Amis humains, bonjour. Voici dans le cadre de notre thème, Histoire de la robotique. Le robot Savinwan commence son service dans un hôtel californien. Dans un hôtel en Californie, un test un peu particulier vient de démarrer, faire effectuer le room service à un assistant robot. Si l'essai est concluant, la chaîne d'hôtels Alof prévoit de doter chaque établissement d'un aide-robot. Lors de la récente levée de fonds de la start-up Savyok, personne n'en savait beaucoup plus sur le robot de service qu'elle était en train de développer. Par la voix de son fondateur, Steve Cousin, ex-PDG de feu la start-up Wio Garage, l'on savait uniquement que la petite équipe basée dans la Silicon Valley développerait, grâce aux 2 millions de dollars collectés, une technologie robotique destinée aux hôpitaux, aux restaurants ou aux hôtels. La start-up a enfin dévoilé Savinwan, un robot de service pour hôtel, qui assure de manière autonome les tâches ingrates du room service, c'est-à-dire, prise en compte, livraison et distribution des commandes passées par les clients de l'hôtel. Ainsi, Savinwan peut acheminer dans n'importe quelle chambre, linge de bain, draps, repas et toute autre commande spéciale. Pour cela, le robot mesure environ 90 cm de hauteur et pèse moins de 45 kg. Il se déplace à la vitesse normale d'un homme. Il est composé de trois éléments principalement, à sa base, une plateforme mobile de type Turtlebo, qui lui permet de circuler à l'aide de roulettes et de se repérer dans un milieu relativement peu contraignant, un capot au design élégant. On ne peut pas s'empêcher de penser au DIY du français Partnering Robotics, et d'un petit écran tactile qui sert de visage au robot mais aussi d'interface de contrôle. Le tout est accompagné par des bruitages du type R2-D2 pour donner plus de vie au robot. Pour son test dans la ville de Cupertino, en Californie, les plans de l'hôtel ont été préenregistrés dans l'appareil. ALO, c'est ainsi qu'il a été baptisé par le personnel, est également programmé pour pouvoir communiquer avec les ascenseurs de l'établissement ainsi que le système de réservation par téléphone. Si l'assistant autonome s'avère suffisamment fonctionnel, autonome et rentable pour la compagnie Alof, le robot Savinwan pourrait bien entamer une petite révolution dans le secteur de l'hôtellerie. Le robot en lui-même devrait coûter quelques centaines de milliers d'euros. Les hôteliers devront ajouter des coûts supplémentaires de programmation spécifiques à chaque établissement, selon qu'ils possèdent des couloirs plus ou moins étroits, des ascenseurs, des systèmes de réservation par téléphone, etc. Ajoutez à cela le support technique et la maintenance. Si l'opération est concluante, d'autres hôtels du groupe Alof devraient voir débarquer dans leurs couloirs des robots dès le début de l'année prochaine. Savyok apporte un début de réponse quant à l'intérêt d'une telle installation. Nous pensons que ALO procurera entière satisfaction aux clients. Et croyons aussi que certains voyageurs visiteront l'hôtel Alof de Cupertino dans le seul but de découvrir ALO. Nous croyons que le personnel a des choses plus importantes à faire que de livrer une brosse à dents ou un paquet de chips dans une chambre, et qu'il préférerait consacrer plus de temps à établir une véritable relation personnalisée avec les clients. Une chose est sûre, Savyok ne va pas en rester là. La start-up envisage de développer sa plateforme adaptable et évolutive à d'autres secteurs. Ce premier robot entièrement dédié à la réception de commandes et à leur livraison, est la première version d'un robot qui se veut multi-service. À terme, la solution robotique sera amenée à évoluer dans les hôpitaux, les restaurants, les hôtels, les établissements de soins spécialisés ainsi que dans les bureaux. Les prochaines versions de Savinwan posséderont certainement un ou deux bras, étant donné que l'équipe a déjà travaillé sur un tel robot, le PR2, ancienne plateforme à deux bras de la société Wio Garage évoquée plus haut. Bon, c'est pas génial pour la courbe du chômage. À bientôt, prêt pour la révolution. Grosse bise numérique.